suis le couteau de l'étui, pas innocent, c'est pour ça qu'on se détruit. Je dors que d'un œil comme Fetty, balle dans la tête et je vois des confettis. Elle me regarde comme Teki, des fois je suis Hyde et des fois je suis Jekyll. Les rappeurs tombent comme des quilles, dans la rue je marche comme si j'ai une béquille. Ils veulent te faire comme Jésus si tu rentres pas dans les clous. Je me suis toujours dit mec tout, bah 27 ans j'ai rendez-vous. J'ai des penchants masochistes, j'essaie de off, je parie, je mise tout. Faire pas tant sur le net, toujours dans le jeu, Yoshimitsu. Attends un peu, j'aurais dû grandir dans les 80. 1m92, mais ma colère est si grande. Je me sens comme Cécile Paladin, mais la maîtrise obscure est puissante. Jeune femme, ne t'attache pas trop, je serai sûrement plus là en 2030. Prescription de benzodiazépine, mais j'en pop aucun. Et je bats le pavé avec flibustier, tu l'auras compris, j'ai pas de copain. Si t'es tranquille, je suis tranquille, si tu veux la guerre, je suis un Ostrogo. Mon frelon, je suis pas d'ici, je terrorise tout le monde sur le Nostromo. Fuck un petit dôme, j'suis cher Khan. Et les femmes ne touchent pas terre, font du delta plane. Mâchoire disloquée, j'suis extra calme. Majeur levé en guise de gang sign. Headshot, j'hésite, j'rentre dans le verso sous médical. On entre dans la new era cash, Zigus Jack, j'mets pas de new era cap. J'pars en quête à la gang Ziscan, Nashib et gros, j'fous tout dans le canon. On s'élève comme tout en camo, pour les Ken 2020 on vient tout en camo. Je roule un vite, mauvais nouveau spécimen. J'mets la prod au maximum, j'kick, tu dis pas si mal. J'roule un bon balai, j'm'immolte, m'a jamais vu au maximum. J'crame l'herbe, j'veux les sous, c'est Inès, j'ai radar à loup. La concurrence est au menu, l'armée de Satan c'est l'ONU. 19 au-dessus, 18 c'est connu. J'plane grave, j'largue mon napalm, tout pour la cause comme un BP. Mort au cochon, j'tranche comme Jayo Kocha, les trois chiffres sont gravés sur l'épée. Araignée noire, j'tourne Kono dans les cages, j'vois net même dans le marécage. C'est pour rave, c'est juste ralenti, souligne juste comme Arenas. On veut faire plus de thunes que de vie, ça salue, on dirait qu'on a plus que de vie. Ça va pas, pêche pas de vin, ce qu'on laisse au sol, bah devine. J'suis plus grand chant de canne, pas de vigne. J'viens de là où ça lève la caisse sans le cri. OV général en boss, rien qu'on les tartine en toss. Elle fait larger que des bitches, sur une négro y'a du gloss. Sorti le couteau de l'étui, pas innocent, c'est pour ça qu'on se détruit. J'dors que d'un œil comme Fetty, balle dans la tête et j'vois des confettis. Elle me regarde comme Teki, des fois j'suis Hyde, des fois j'suis Jekyll. Les rappeurs tombent comme des quilles, dans la rue j'marche comme si j'ai une béquille. Là où eux trouvent l'extase, j'ai avalé des cendres. Cop, cop, cop, l'armure d'Avel, tranquille, on va les descendre. J'suis un homme blanc, hétérosexuel, aka j'suis un tortionnaire. Elle et moi, toujours dans le contact, comme un avant-bras et un morceau de verre. Psartek, la vie de famille, Mishima dynastie. Magana, chemise à prix, dans la nuit j'm'active comme Itachi. J'ai croisé tes idoles, ne sont pas ce que t'imagines. Concurrence la king, je vais les bercer tout en souplesse comme Lil Majin. Tous les jours je flirte avec la 13ème arcane. Ma génitrice m'appelle, me dit que j'ai ma chambre à Arkham. Comme mes ancêtres en Russie, je serais parti bien avant la canne. Je suis déjà dans la pyramide, le corps embaumé par un chacal. Sorti le couteau de l'étui, pas innocent, c'est pour ça qu'on se détruit. Je dors que d'un œil comme Fetty, balle dans la tête et je vois des confettis. Elle me regarde comme Teki, des fois je suis Hyde, des fois je suis Jekyll. Les rappeurs tombent comme des quilles, dans la rue je marche comme si j'ai une béquille. Sorti le couteau de l'étui, pas innocent, c'est pour ça qu'on se détruit. Je dors que d'un œil comme Fetty, balle dans la tête et je vois des confettis. Elle me regarde comme Teki, des fois je suis Hyde, des fois je suis.